des réceptacles, nous sommes mis en vibration, dans le sens que nous ne sommes pas juste des réceptacles, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel de créativité, c'est-à-dire ce qui nous passe à travers, on peut donner une direction, on nourrit des formes inconsciemment, c'est juste que d'être créatif, ça va être de, au moins nourrir des formes consciemment qui servent, au lieu d'être des bricoleurs, être réellement des constructeurs. Puis ou émettre des pensées, à un moment donné, vous allez vous rendre compte, en tout cas, j'imagine, là, il y a beaucoup de monde qui vont finir par se rendre compte, ils vont faire la différence entre des pensées qui sont réellement émises par eux et des pensées qui sont captées par eux. Quand vous émettez une pensée qui vient vraiment de vous, ça veut dire que c'est émis par des contreparties. C'est-à-dire... comme quand on est incarné dans l'espace-temps, ça veut dire qu'il y a d'autres vous qui ne se sont pas réalisés en potentiel à cause de la rectitude du contexte. Mais ces choses-là restent sur leur plan, en dehors du temps et de l'espace des fois. Puis ça essaie de se manifester, notamment à travers la pensée, parce que le mental, c'est un plan semi-subtil. Donc, c'est là que ça devient...